Cette sculpture témoigne de la profonde influence qu'a eue Michelangelo sur le jeune Lehmbruck. Il était particulièrement fasciné par la sculpture de l'artiste italien intitulée « La nuit », dont il avait épinglé la photo sur le mur de son atelier à Düsseldorf. Son « buste d'une femme » a la même autocontenance et le sujet est également perdu dans ses pensées, sa méditation ou simplement sa lassitude. Ce travail anticipe également son chef-d'œuvre « Femme s'agenouillant ». Dans cette œuvre, Lehmbruck a poussé encore plus loin dans l'abstraction le style de ses sculptures antérieures, représentant une femme au corps émacié, à la chevelure stylisée et aux traits atténués. Cette exagération de la forme dans le but d'accentuer l'expressivité se retrouve aussi clairement dans « La nuit » de Michelangelo.